L'Institut du désarmement et de la paix du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 22 décembre un document qui accuse les fantoches sud-coréens de la conspiration à l'étranger contre la République populaire démocratique de Corée. Il a indiqué « La conspiration sud-coréenne consiste principalement à forcer nos citoyens en mission à l'étranger à déserter la patrie. » Surtout cette année, les autorités sud-coréennes se sont démenées plus que jamais pour enlever et emmener nos citoyens. Le centre de renseignement de Corée du Sud envoie en grand nombre des courriers et courriels contenant les publications, les lettres et les médias électroniques qui calomnient notre dignité suprême, notre régime et qui incitent à la fuite aux représentations diplomatiques et de commerce, à nos fonctionnaires, à leurs familles et enfants dans divers pays et régions. Kang Chol-fan, délégué du centre de la stratégie envers la Corée du Nord, a envoyé au nom de l'Association générale des Coréens en Chine des magazines Yosongjoson, femmes coréennes, contenant des cartes SD où sont enregistrées les paroles des traîtres et les lettres qui calomnient notre régime et qui incitent nos fonctionnaires à la désertion à des dizaines de représentations coréennes en mission dans notre pays depuis septembre jusqu'en novembre 2016, suivant le plan d'opération psychologique de l'Agence nationale de renseignement. Le 5 octobre dernier, en Inde, Moon Chul-un, traître à la patrie, est apparu avec des agents de l'Agence nationale de renseignement. Il a téléphoné plusieurs fois à nos citoyens qu'il connaît pour dire qu'il peut offrir des aides et qu'il faut rencontrer pour discuter. C'était pour les conduire au piège de l'Agence nationale de renseignement. En août et en septembre dernier, au Cambodge, un agent de l'Agence nationale de renseignement est venu voir notre fonctionnaire avant le rapatriement pour dire des paroles mielleuses. À son refus, il l'a menacé sans hésiter. En avril 2016, à Ningbo, province de Zhejiang de Chine, nos filles ont été enlevées. Cette affaire avait pour but de montrer la justesse et l'efficacité de leur politique axée uniquement sur la pression sur le Nord par la fuite collective de nos citoyens. C'est un crime impardonnable contre l'humanité. Les autorités sud-coréennes qui recouraient dans le passé à la radiodiffusion et au lancement des tracts au barrage de la ligne de démarcation militaire s'attachent scélératement à présent à prendre pour cible nos citoyens dans divers pays pour calomnier notre pays. Elles font appel plus que jamais à la guerre psychologique contre nous et leur but final est de détruire la stabilité politique et l'unité monolithique de notre régime socialiste et de ternir notre image sur la scène internationale. Les fantoches sud-coréens remuent ciel et terre pour entraîner d'autres pays à leur campagne lâche contre notre république. Leur campagne évoque la révolution de couleur et le printemps arabe que même les États-Unis et leurs suivistes considèrent aujourd'hui comme une erreur politique et la regrettent. Elle constitue un attentat politique visant à causer un trouble social et une effusion de sang à notre intérieur. Nous désirons l'amélioration des rapports nord-sud et la réunification pacifique, mais nous ne tolérerons jamais la démarche des fantoches sud-coréens qui répondent à notre bonne volonté et à notre générosité par la perfidie. Les gouvernements de tous les pays du monde sont invités à bien voir les actuels rapports nord-sud et l'essentiel de la campagne sud-coréenne et à redoubler de vigilance devant l'attentat politique et la violation des droits de l'homme par les autorités sud-coréennes qui cherchent à transformer les autres pays, sans parler de la péninsule coréenne, en champ de confrontation nord-sud, en mobilisant tous les organismes de renseignement et de complot.